Je suis allée chez toi ce matin. Tu y étais pas. Et quand je suis rentrée chez moi, il y avait une odeur. T'as fait brûler quelque chose ? Non, dans ma cuisine. Cette odeur. Qu'est-ce que c'est ? Dans mon frigidaire, il y avait... Un éléphant ? Un camembert ? Non, c'est pas ça. Oh, je te dis que tu devineras pas. Bon, ben, je donne ma langue au chat. Dans mon frigidaire, il y avait... Un crocodile. Quoi ? Un crocodile ? Oui, un crocodile. Tout grand. Tout grand. Et tout vert. Tout vert ? Oui, et il me regarde. Et il pue encore plus que toi. Il pue encore plus que moi. Il pue encore plus que toi. No.